Sonate d'automne. Chaque soir, Faustine travaille ou joue sur son nouvel ordinateur. La lumière bleue de l'écran la maintient éveillée. Une nuit, cependant, dans une tentative de se discipliner et de s'endormir plus tôt, elle avale un somnifère vers 23h. Là, elle se rend compte que loin de l'assommer, le médicament la réveille. Sans doute est-elle trop fatiguée et les effets s'inversent. Quelle aubaine! Ainsi commence une période où la jeune femme se sent, pour ainsi dire, invincible. Travailler jour et nuit sans fatigue, voilà qui est pratique pour gagner du temps. Par contre, elle laisse sa voiture au garage, ayant un peu conscience tout de même de jouer avec le feu. En résumé, Faustine travaille pour zézer le jour et pour son avenir la nuit. Elle accompagne également Marie, à distance, tant qu'elle réside à la métairie, puis à la maison quand elle en sort début octobre. Maman a réservé pour la jeune Française une toute petite chambre au 6e étage et lui a procuré des bons pour se nourrir au restaurant universitaire. C'est à ce moment-là que les choses commencent à se gâter. Une grande partie par la faute de Faustine qui, dans un élan d'exaltation, avait laissé son amie imaginer qu'il serait facile pour elle de trouver du travail ici. C'était avant son passage à la métairie. Malheureusement, vérification faite, cela s'avère impossible sans permis de séjour ou de travail. Or, Marie refuse de retourner à Aix, où elle a été rejetée par toute sa famille. La situation est inextricable. Obstinée, Marie tente sa chance à Lausanne. Elle se heurte à des refus répétitifs. Les échecs s'accumulant, son moral est au plus bas, à tel point que finalement elle rechute. Faustine est écœurée. Tout cet investissement en temps et en argent pour rien. Elle-même est épuisée à force de brûler la chandelle par les deux bouts. Son niveau de tolérance s'en trouve fortement diminué. Elle s'insurge, ferme sa porte. Il n'est pas question qu'elle réitère l'expérience. Sans compter que Marie ne serait pas reprise à la clinique si peu de temps après l'avoir quittée. Il n'y a pas de service après-vente. L'heure est grave, que faire? Le mieux serait qu'elle retourne en France, mais comment le lui faire accepter? Songeant à tous ses problèmes, Faustine suit du regard la jeune femme au foulard qui descend la rue. Cette fois, elle est radieuse. D'ailleurs, le foulard, toujours le même, est désormais autour de son cou. Ses cheveux ont repoussé, ses joues se sont remplies, ses yeux brillent. On dirait qu'elle est tirée d'affaire, qu'on ne la reverra plus par ici. Faustine sourit, s'assied à son bureau et tape sa lettre de démission. Il est temps qu'elle change de direction. Quand il la reçoit, cette lettre, aussi gentille et bien tournée qu'elle soit, Zézé est furieux. Il la lit chez lui à l'heure du déjeuner. Sans attendre, il saute sur le téléphone, crie sa colère et sa déception. Faustine répond simplement « Rappelez-moi quand vous serez calmé. » De retour au bureau, il s'excuse. C'est vrai qu'il y est allé un peu fort, mais enfin, c'est déloyal de me quitter maintenant alors que vous commencez tout juste à faire vos preuves. Me laissez tomber, moi, qui vous ai tout appris. Faustine éclate de rire. Elle remercie Zézé du fond du cœur pour ce qu'il lui a appris, ajoutant qu'elle en savait déjà une petite partie. C'est justement parce qu'elle est forte de tout ce savoir qu'elle a envie de le mettre en pratique. Sûrement que Zézé le comprendra, non? Ouais, pas très convaincu le bonhomme. Au moins, trouvez-vous une remplaçante correcte. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part, murmure la jeune femme en élaborant une petite annonce explicite. Commence alors la valse lente des réponses, appels, rendez-vous et courriers. Plus de 200 candidatures en quelques jours. Zézé triomphe. Vous voyez, elles se battent pour venir travailler chez moi. Encore faut-il avoir la qualité et pas seulement la quantité. Faustine est heureuse, elle a enfin assez de travail. Elle met un point d'honneur à répondre à toutes les candidatures, que ce soit négatif ou positif. Le classement vertical, très peu pour elle. Elle n'a jamais supporté ce mépris des employeurs qui ne se donnent pas la peine de répondre. Encore moins de retourner des dossiers. Ça coûte cher, les photocopies. Chaque soir, Zézé reçoit une ou deux candidates. Le lendemain, il lui en fait le compte-rendu. Il y a de sacrés numéros quand même. Quelques-unes sont ressorties en claquant la porte. Zézé s'insurge. Elle s'attendait à un salaire de 7 000 francs. Non, mais vous vous rendez compte? Elle m'a dit que ce que j'offrais ne valait même pas la peine de se lever le matin. Il y en a qui ont du culot tout de même. Faustine rit et passe à la suivante. Un soir, au groupe AA, elle évoque son quotidien. Scarlett, actuellement au chômage, la prend à part. « Tu crois que je pourrais postuler, moi aussi? Tu m'aiderais ?»« Pourquoi pas? Tu as travaillé dans le secrétariat ?»« Oui, longtemps, je me débrouille. »« Bon, pas trop à l'ordinateur, mais j'apprends vite. »« Ok, tu m'envoies ton CV, je le mettrai sur la pile. »« Mets une jolie photo, et surtout le jour du rendez-vous, pas de maquillage. » Ainsi fut fait. Un soir de novembre, Faustine ouvre la porte à Scarlett et l'introduit chez le patron. Le lendemain, Zézé l'interpelle. « Comment se fait-il que vous ayez laissé passer celle d'hier soir ?» Elle avait l'air d'une semi-clocharde, avec un vocabulaire de 200 mots. En plus, elle était maquillée comme une voiture volée. « Ne me refaites plus ce coup-là, je n'ai pas de temps à perdre. » Dans les jours qui suivent, Faustine reçoit une documentation complète de la part d'une secrétaire freelance. Son bureau, si dans les Hauts de Lausanne, est équipé de multiples lignes téléphoniques. Elle répond aux appels de manière personnalisée, gère les courriers, tape des rapports, établit des comptabilités, prépare des présentations PowerPoint et établit des mailings, le tout avec seulement 2 apprentis. Sa petite entreprise s'appelle PST Service, pour permanence téléphonique, secrétariat et traitement de texte. Bien qu'elle pressente que Zézé n'entrera pas en matière, Faustine convoque tout de même cette dame. De fait, malgré une conversation passionnante dont les échos parviennent jusqu'au secrétariat, Zézé oppose une fin de non-recevoir, au motif qu'il a besoin de quelqu'un sur place sur qui il puisse compter, voire envoyer en mission à sa place. Faustine, par contre, est intéressée par cette personne. À titre personnel, elle l'invite à déjeuner la semaine suivante. Les deux femmes font connaissance et se rendent rapidement compte qu'elles ont beaucoup de points communs. Elisabeth, de son prénom, a un esprit d'indépendance développé. Elle aime le travail bien fait, se donne à fond pour ses clients, adore le démarchage, un peu moins la course au paiement. Depuis 3 ans qu'elle a lancé son entreprise, elle honore des contrats longue durée pour des clients réguliers. Elle rentre dans ses frais, même si cela ne lui suffit pas encore pour se sortir un salaire. Mais chacun sait qu'il faut 5 ans en principe pour stabiliser une société. Peut-être serait-il plus intéressant pour Faustine de s'associer que de se lancer seule, laissant le démarchage à Elisabeth, qui connaît beaucoup de monde sur la place de Lausanne. Elle aurait toute latitude pour travailler tranquillement dans son coin. Gérer les demandes, organiser la répartition des tâches, courir après l'argent, ça, elle sait faire. Petit à petit, au fil des rencontres, l'idée fait son chemin. Pourquoi Faustine n'installerait-elle pas son ordinateur et son imprimante chez Elisabeth? Elle pourrait investir dans la société et devenir partenaire associée à temps plein. Sûrement qu'à deux, elles vont pouvoir rentabiliser l'affaire. Surtout si Faustine aide à payer quelques dettes. Pourquoi pas? La jeune femme rentre chez elle la tête pleine de rêves, de chiffres et de solutions. Néanmoins, ayant déjà été brûlée une fois, elle n'a pas signé de chèque en blanc. D'ailleurs, maman suggère que lorsqu'elle en sera là, Faustine soumette la comptabilité de son éventuel associé au comptable du centre catholique universitaire afin qu'il l'étudie. Faustine promet et retourne travailler chez Zézé. Il lui reste encore 1 mois et des poussières pour boucler son préavis. Marie a trouvé un job. Toute heureuse, elle se pointe un soir au boulevard, un bouquet de fleurs à la main. Elle souhaitait un boulot de jeune fille au pair. L'un des rares jobs où on n'est pas trop regardant sur la légalité. Le boulot qu'on lui a proposé chez une mère de famille nombreuse se trouve à quelques centaines de mètres du boulevard. On pourra se voir souvent alors. Marie semble avoir renoué avec la sobriété. Elle accompagne parfois Faustine au AA. Désormais, avec ce travail, Faustine est sûre qu'elle n'aura plus de raison de déprimer. Ce souci évacué, Faustine se consacre entièrement à la mise en place de son projet d'intégrer le bureau d'Elisabeth. Elle élabore des publicités qui seront envoyées aux entreprises de la place. Maintenant qu'elle possède une voiture, se rendre dans les bureaux au nord de Lausanne n'est plus une galère. Entre-temps, dans les locaux de la holding, les candidates continuent d'affluer. Enfin, il semblerait que Zézé ait trouvé la perle rare. Françoise est une dame d'un certain âge, ayant travaillé plus de 40 ans pour un notaire qui vient de décéder. Hélas, elle n'a jamais utilisé d'ordinateur. Ceci dit, elle est intelligente. Nul doute qu'elle apprendra rapidement. Faustine déjeune plusieurs fois avec elle, histoire de la mettre au courant des affaires, des habitudes et des manies de tous les intervenants. Zézé, son associé zurichois, ainsi que la comptable et les collaborateurs du sud de la France. L'après-midi, elle se retrouve au bureau où Faustine lui inculque les bases de l'informatique. Mi-décembre, Marie rechute et se fait virer. Cette fois, Faustine en a marre. Elle lui prend un aller simple pour Aix. Son amie, vexée qu'on la vire, retourne chez ses parents en pleurant, non sans laisser derrière elle trois énormes valises, à charge pour ses amis de les lui apporter un jour. Peu de temps après cet épisode, maman tombe malade. Il s'agit d'un problème intestinal. La clinique de la Rosière est spécialisée dans ce domaine. Il est grandement question qu'elle opère en début d'année. Mais pour l'instant, il faut calmer l'inflammation avec des médicaments et beaucoup de repos. Faustine monte la voir chaque fois qu'elle le peut. Un jour, à l'heure du déjeuner, elle est surprise de voir un verre de vin rouge sur le plateau repas. « Qui a autorisé cela ?» demande-t-elle à l'infirmière du service. « C'est le docteur C, le médecin de votre maman. » « Mais ignore-t-il que ma mère est alcoolique et que cela signifie qu'elle ne doit plus du tout boire d'alcool ?»« Non, enfin si, en fait je ne sais pas, mais un verre de vin, ce n'est pas grand-chose, non ?» Faustine est tellement furieuse qu'elle étouffe de rage. Qu'ont-ils appris pendant leurs études ? Ils risquent la vie des gens sans vergogne. Sortant de l'hôpital, elle prend rendez-vous chez le médecin en question, histoire de lui montrer de quel bois elle se chauffe. Évidemment, à quelques jours des fêtes, il n'est pas disponible. Sa secrétaire lui donne rendez-vous pour la fin janvier. Et pendant ce temps, maman pourra continuer à boire. Faustine, profitant de sa solitude, fouille la maison de fond en comble afin de débusquer les bouteilles cachées. Dans un double fond derrière les dossiers du bureau directorial, elle trouve trois bouteilles de scotch pleines. Dans l'office, bien planqué derrière les boîtes d'archives, elle en trouve deux autres, et dans sa chambre sous son lit, encore une. Tout cela va dévaler les tuyauteries jusqu'au tout à l'égout. Quel gaspillage! Mais que ne ferait-on pas pour la santé de sa chère maman? Quand elle fait part de ses exploits intrusifs au groupe, on la semonce vertement. Ne sait-elle pas qu'il ne faut jamais intervenir et surtout laisser l'alcoolique toucher le fond de sa détresse, seul, si on veut qu'il ait une chance de rebondir. Fin décembre, les adieux avec Zézé se passent plutôt bien. La nouvelle est au point, elles ont bien travaillé et Faustine a promis de revenir donner un coup de main si cela s'avérait nécessaire. Fait anecdotique, Faustine a l'occasion de lire un procès-verbal établi par sa remplaçante. C'était stupéfiant. Le texte est entièrement calligraphié. En 1991, sans rature, sans fausse note, il est de toute beauté, telle une œuvre d'art. Faustine peut partir tranquille. On se passera très bien d'elle.